dégueulasse. Du rock chez ton coiffeur. Un cobra foutu au cul. Crève salope. Ta vie pour pas 100 balles. Crève salope. Ta couche d'un cadavre. Tu branles, nouvelle vivante. Bulle, dérise tes couilles. Fourmi, ta gelée blanche. Un coup de tronçonneuse. T'explose un horizon rouge. Taché ta pote périodique. Micro planté dans le cul. Sous-merde, tordu tu jouis. Crève salope. Ta vie vaut pas 100 balles. Crève salope. Ta couche d'un cadavre. Un cobra foutu au cul. Crève salope. Ta vie vaut pas 100 balles.